À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire du peuple coréen dans la guerre de libération de la patrie, l'agence de presse russe Deveros a présenté les espoirs immortels du président Kim Il-sung. Elle a souligné que les États-Unis ont subi pour la première fois dans leur histoire agressive de plus de 100 ans une grande défaite dans la dernière guerre de Corée et que la victoire du peuple coréen est le résultat de l'éminente direction du président Kim Il-sung, stratège militaire extraordinaire et commandant prestigieux invincible à la volonté de fer.